exotisme. C'est fou. 89.1. Décision de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est les palmarès, c'est fou! Bonjour et bienvenue au palmarès, c'est fou pour la semaine du 9 au 15 février 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Jean-Philippe Charbonneau devrait se joindre à nous un petit peu plus tard dans l'émission d'aujourd'hui. On laisse le suspense, ça va être le fun. J'espère, si tout fonctionne bien, tu sais. Donc, bienvenue dans cette émission où on vous propose 3 heures de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir, c'est-à-dire un top 20 francophone, un top 20 anglophone. On va aussi regarder ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. On va dire au revoir aux pièces qui nous ont quittés dans Palm Rest in Peace. Écouter les meilleurs moments d'assemblage requis dans un instant classique. Écouter les vieux classiques musicaux de Dantan dans C'était fou. Une grosse émission de 3 heures, bien chargée. On a quelques nouvelles entrées du côté anglophone, Cairo et Whitehorse. En francophone, Chocolat, Dumas, Amor Blitz. On va aussi savoir d'ici la fin de l'émission si nos numéros 1 sont toujours Le Couleur avec Concerto Rock en francophone et Viet Cong avec Silhouettes en anglophone. Mais comme je mentionnais, les nouvelles entrées ont priorité. C'est la portion New Shit de l'émission. Donc commençons avec les 20e places. En anglophone, on trouve Whitehorse avec leur nouvel album Leave No Bridge Unturned. L'extrait s'appelle Downtown. Mais on débute avec le retour d'Amor Blitz sur leur maxi Kilimanjaro. Voici l'extrait titre Kilimanjaro au 89 FM. C'est fou! Entrée. Mmh. killing me. This relentless drone bombs the quiet streets. You can dance with the devil, you can shuffle. Killing me. C'est Downtown sur l'album Leave No Bridge Unturned. C'est le troisième album de cette formation canadienne folk rock. Les membres sont Luc Doucet et Melissa McClelland. Voilà. Avant ça, on a entendu Amor Blitz, une nouvelle entrée du côté francophone, Kilimanjaro sur leur maxi du même nom. Les trois pilotes d'Amor Blitz n'ont qu'une idée en tête, monter à bord de leur chanson volée de tuner à l'indie pop, la wave et au meilleur du songwriting français. C'est bien qu'ils disent ça, ça. Pour c'est pick-up qui aimerait pas ça. Pour foncer tout feu tout flamme dans une nuit de pleine lune. Attache fissa ta ceinture, les dérapages ne seront pas toujours contrôlés. Amorblitz.bandcamp.com ou sur Facebook, cherchez Amorblitz, B-L-I-T-Z, bien sûr. Il reste encore trois nouvelles entrées, donc on va les entendre tout de suite, dos à dos, les trois ensemble. Plus tard, il y aura Chocolat ainsi que Cairo, une découverte du poste d'écoute d'Assemblage Requis, les jeudis matin avec Stéphanie Paradis. Mais on débute en francophone avec un deuxième extrait de l'album de Dumas qui s'appelle Dumas, plate de même comme nom d'album. L'extrait est Compte à rebours, on écoute ça dans les palmarès, c'est fou. Un condensé de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir sur le 89.1 FM. C'est fou. C'est fou. C'est fou. C'est fou. Question-réponse. Rien ne se perd. Les pièges se transforment. Rien ne se crée. Nos blessures ne changent pas de forme. Thank you.

C'était Chocolat et Apocalypse, nouvel entrepôt sur numéro 18. Avant ça, on a entendu en 18e, en 19e francophone, Dumas avec Compte à rebours et Cairo avec A History of Reason. On a sauté par-dessus une pièce, mais ça, on le dira après, parce qu'on est dans la portion new shit de l'émission. Et étant donné qu'on a accueilli 5 nouvelles pièces, ça veut dire qu'on doit dire au revoir à 5 autres pièces. Voici Palmer, Rest in Peace. Just mountains of change. Voici les pièces qui nous ont quittés depuis les précédents palmarès. Des pièces qui ont quitté les palmarès C'est fou depuis l'édition du 2 au 8 février 2015. On a débuté avec Chocolat, qui est parti comme fondu au chocolat. Avec Méfiez-vous du Boogaloo, qui a duré 4 semaines. Ensuite, Dumas, qui s'est fait planter des aiguilles dans le dos, avec Voodoo, qui a duré 6 semaines. Les Marinelli, qui sont maintenant al dente, parce qu'on un peu comme des pâtes, Marinelli. Sous la lune, avec 8 semaines. Puis Until the Ribbon Breaks, c'est complètement cassé par terre, avec Taste of Silver, 6 semaines. Et finalement, Coco Méliès est sorti dehors, est parti pour un autre endroit que C'est fou. Avec Winter Gloves, qui a duré 7 semaines. Voilà pour Palmer Rest in Peace. On dit au revoir aux pièces qui nous ont quittées parce qu'on a accueilli 5 autres. Puis on fait ça en début d'émission, juste après le New Shit. En début d'émission, voilà. Maintenant, on saute par-dessus des pièces qu'on n'a pas le temps d'entendre. En anglophone, on saute par-dessus les 18 et 17. En 18, c'est Hey Rosetta avec Kintsuko Roy qui descend à la 5e place. En 17e, ça descend de 6, To the Ether par Century Palm. En francophone, on saute par-dessus Lubic en 17e avec Laisse-toi aller. En 16e, ça descend de 6, Ruelle de Mauve, formation locale. Et en 15e, ça descend de 3, c'est le King du Nintendo par les God Mashup. On va rester en anglophone un tout petit peu. On va entendre les 16 et 15. Plus tard, il y aura Spoon River avec Slippery Footed Man. Man, le nouvel extrait de la semaine passée sur l'album The New Sun A Hotel. Et maison débute en 16e place, ça monte de 3. C'est sur l'album Fine Lines de Samantha Savage Smith qu'on s'en va entendre It's a Burn tout de suite dans un condensé de la meilleure musique que C'est Fou à vous offrir. Les palmarès, c'est fou! Yeah. Spoon River et Slippery Footed Man en position numéro 15 anglophone, précédé de Samantha Savage Smith et It's a Burn qui monte de 3 places. Les deux étaient de nouvelles entrées la semaine passée. Francophone, on a sauté par-dessus les équivalentes. Donc en 16e, les gars de Mashup avec le King's Nintendo. Et en 14e, le CD noir des Passagers. Malheureusement, on doit sauter par-dessus ça. On va écouter par contre un beau petit bloc de 3 pièces. Là-dedans, il va y avoir Brave Shores ainsi que The High Dials. Ça va être bien, bien bon. Il va aussi y avoir quoi? Caravane qui va débuter ça à l'instant avec Harmony Rocket qui monte de 6 places. Ça aussi, c'était nouveau la semaine passée. Et si vous restez avec nous, si vous êtes bien gentils, je vais vous garnir la face d'un paquet de meilleurs moments de l'émission du matin Assemblage requis. Ça s'en vient dans un petit peu plus d'une demi-heure environ. Hein? Alors, Caravane, tout de suite en 13e place francophone, Harmony Rocket au 89.1 FM. C'est fou! Slender. Brave Shores et World Billy Dissy qui descend de la 6e place à la 13e anglophone. Avant ça, en franco, on a entendu Caravan avec Harmony Rocket qui monte de 6 places, qui était de la semaine passée au tout début du bloc. C'était The High Dials avec Desert Tribe qui descend de 2 places. L'album s'appelle In the AM Wilds. On arrive à la fin de la première heure, mais on a encore un petit peu de temps, donc on peut monter dans le palmarès. C'est rare qu'on se rend aussi haut. Allons-y avec les 12e places. Du côté anglophone, c'était la semaine passée, c'est André Papanicolaou avec Disposable qui monte de 6 places. Mais on débute avec Claude Bégin qui, les gens ont des opinions partagées sur notre ami Claude Bégin. Il y en a qui aiment bien gros ça, puis il y en a d'autres qui trouvent ça vraiment weird. L'album s'appelle Les Magiciens. On écoute l'extrait avant de disparaître et ça monte de 5 places en espérant qu'il dure plus que 2 semaines avant de disparaître. Hein? Tu sais, hein? Pas de mal, c'est fou, hein? 89 FM, Mazan. Même si le ciel nous en veut, j'suis heureux comme un poisson volant. Et même si on prend les moyens d'aller où les vents nous embêtent, on passera les moyennes, les grandes et les petites tempêtes. Personne n'y échappe, personne s'y arrête. Un jour le ciel va tomber sur nos têtes. Qu'on se colle un petit peu, je te veux. C'est tellement confortable. Et quand on recommence à jouer le jeu, je me transforme en balade. Et parmi tous les autres fous, il y a nous, pitoyable et jetable. On arrivera ensemble. Les châteaux. the ships have sunk. Like a paper cup dancing with the wind, we were disposable and that's how we lived. Papa Nicolaou et l'extrait Disposable qui monte de 6 places nouvelle entrée la semaine passée sur l'album Strange Nights. Avant ça, en 12e position francophone, c'était Claude Bégin et Avant de disparaître. On n'a pas le temps pour les 11e, c'est-à-dire Fanny Bloom avec Mélodie en francophone qui monte de 5, qui était nouvelle la semaine passée, donc elle a priorité, c'est certain. Et en anglophone, c'est Elephant Stone et Knock You From Your Mountain qui descend d'une place qu'il a depuis 6 semaines. Donc on reviendra à Fanny Bloom tout à l'heure. Mais pour l'instant, c'est la fin de la première heure. On se retrouve dans quelques instants avec le top 10 et une visite surprise peut-être. Restez là, c'est les Alors, c'est fou. Fou de changement. Vous êtes dans la zone 89.1. Bon retour, c'est la deuxième heure des Palmarès Fous pour la semaine du 9 au 15 février 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, c'est Jean-Philippe Champeneau. Ah, ça fonctionne! Salut Jean-Philippe, ça va? C'est génial, hein? Ça fonctionne super bien. En fait, pour ceux qui se demandent pourquoi on est si content que ça, c'est que t'es en direct de Vallée du Parc, JP. Oui, exactement. Donc, c'est ça, là. Je m'entends un petit peu à délai, fait que c'est un petit peu mêlant, là, mais écoute, c'est pas grave. On va s'y faire, oui. On va s'y faire, comme on dit. Oui, merci Mathieu. Comme le slogan le dit, on va s'y faire. Voilà. C'est ça. Salut Jean-Philippe, en direct de Vallée du Parc pour un événement spécial ce soir. C'est Vivez, c'est fou à Vallée du Parc. Dis-moi en plus. Ah ben oui, écoute, rapidement, donc on invite les gens à venir se présenter à Vallée du Parc. C'est 18$ ce soir, donc ceux qui nous écoutent en direct mercredi. Donc ça comprend le billet de remontée ainsi qu'une consommation au bar le 360. Ah oh, wow, c'est donc bien cool ça! Oui. Super! Ce soir, là, mercredi, comme tu l'as dit, le 11 février, on va être tout avec toi pendant une partie de l'émission. En tout cas, autant que tu sois capable de tolérer d'entendre ta propre voix à délai. Ah oui, écoute, je suis en train de faire des tests. Donc, on s'amuse. Ça va être génial. Donc, Jean-Philippe Charbonneau. On écoute les 10e places. Du côté anglophone, ce sera Chris Burkett avec Be Creative qui descend de 3 places. Et du côté francophone, qui monte de 10, c'est Tire le Coyote avec Ma Révolution Tranquille. Génial. Au palmarès, c'est fou. Sur le 89 FM. Sonne vraiment bien, JP, par exemple. Oui, quand même. Sonne mieux qu'en vrai. Ah, c'est gentil. C'est une très bonne imitation de toi-même que tu fais là. Oui, c'est pas moi en fait. Ah ok, c'est un imitateur à distance. Ah ouais, ah oh, wow. Okay. C'est fou tellement du budget. Hein. Oui, c'est ça. Yeah. to laugh about. Be creative in the things that you always used to dream about. Be creative in the things that are happening around you. Taking a road with full attention means more than all convention. Whatever you do, do it with love. Put your heart and soul inside it. About. Be creative in the things that your teachers used to laugh about. Be creative in the things that you always used to dream about. Be creative in the things that are happening around you. Everything counts. Every little reaction can start a change. Chris Burkett et Be Creative, position numéro 10 qui descend de 3 places en anglophone. Et côté francophone, c'était Tire le Coyote avec Ma Révolution Tranquille qui monte de 10 places. Et voilà! On rappelle que Jean-Philippe Charbonneau est en direct de Vallée-du-Parc pour l'événement Vivez C'est Fou à Vallée-du-Parc qui a lieu en direct ce soir, mercredi 11 février. JP, les gens se sont procurés des billets au kiosque ici à QTR et puis là, sont partis tous chacun individuellement pour aller rejoindre oui, cette petite montagne. Oui, ben écoutez, il n'est pas trop tard. Si vous voulez venir profiter d'une soirée à la Vallée du Parc, donc c'est 18$ taxes inclus. Ça comprend un billet de remontée ainsi qu'une consommation bar 360. Et puis en plus, on va avoir la chance de vous animer ça toute la veillée. On va avoir du fun. Ben demandons des détails sur cette animation en direct-là. Qu'est-ce qui va se passer ce soir sur nos ondes? Ben tout, premièrement, si vous nous écoutez, ben je suis là. Oui, il y a ça, pas mal. Avec toi, Mathieu. C'est le début. Oui, c'est un bon début. C'est bien de le préciser, en effet. Donc, je vais être là jusqu'à 18h avec toi. Ça suivra la programmation régulière audiomatique qui sera là de 18h à 19h. En studio ici à Trois-Rivières, en passant. On pourrait dire une émission spéciale des Audacieuses qui seront là de 19h jusqu'à la fin de la soirée. Oh, donc ça va dépasser le 21h, tout ça? Leur cas horaire. Oui, oui. On va être dans une vraie programmation des Audacieuses de 19h à 21h. Et puis après ça, petite programmation là, un peu spéciale où on va pouvoir... écoutez peut-être ce qu'on a déjà entendu aux Audacieuses, mais ça va être de la très bonne musique. Génial. Les Audacieuses qui, en passant, sont de 19h à 21h les mercredis. Ils repassent les samedis entre 18h et 20h pour ceux qui veulent réécouter ça. Sauf pour la portion, évidemment, passée 21h, on se l'imagine bien. Et Audiomatique qui a lieu en direct de nos studios ici à Trois-Rivières à 18h. Et ça rejoue samedi à 20h. Donc vous allez entendre ça dans le reverse order, à l'envers, toi. À l'envers. Oui, c'est ça, de reverse. Ça me fait penser au mot reverb, ça. Hey, c'est vraiment cool, ça. Pfff. Oui. Wow. Ouais. Écoute, JP, toi, là, t'es là pour dire le mot juste ce soir.

King Gizzard and the Lizard Wizard avec Cellophane qui descend d'une place en 9e position anglophone sur l'album I Mean Your Mind Fuzz. Et la formation Huit Clos qu'on vient d'entendre, position francophone, stable, 9e place, c'était l'extrait Pourquoi pas moi? Oh oui, Jean-Philippe Charbonneau qui est toujours en direct de Vivez C'est Fou à Vallée du Parc, l'événement qui a lieu ce soir, mercredi 11 février. On rappelle encore que quand même les billets sont vraiment pas chers, n'est-ce pas, Jean-Philippe Charbonneau? Oui, tout à fait, Mathieu Plante. Façon info pub. Donc, c'est. Donc, 18$ taxes incluses. C'est valide aujourd'hui, seulement mercredi. Donc, ceux qui nous écoutent en direct, ça comprend la remontée pour la soirée ainsi qu'une consommation au bar 360 là, ici à la Vallée du Parc. Et puis, on a des spéciaux hein, aussi au bar toute la soirée. Ça va être vraiment très bien animé en plus. En plus, ben, tu sais, hein, ça commence bien que nous autres en plus. Là. Moi, je suis pas là-bas, mais toi, t'es là-bas. Puis, ben, on se parle, puis tout ça. Là. Ben oui, c'est comme si on était face à face, mais qu'on était avec Mathieu. Oui, exactement. C'est comme un face à face sans aucune possibilité de se faire des signes, avec un délai, puis aucune façon de savoir quand parler, puis aucune façon de. Tu sais, c'est même le fun. Oui, fait que là, j'anticipe mes oui et non, fait que je l'ai dit d'avance pour que ça fitte. Exactement. C'est comme un lien satellite avec, je sais pas, le Proche-Orient ou le Moyen-Orient, tu sais. Oui, 3-4 secondes. Je suis prêt là, quand même, le chevalier du parc. Et aucune possibilité, aucune chance d'avoir des bombes qui tombent sur la tête en plus. Ça devrait pas. Devrait pas. C'est vraiment une mauvaise journée. Là. Ben, c'est ça. Et Jean-Philippe, toi, tu fais du ski dans la vie de tous les jours. Là. Je sais que t'es un grand amateur de pente, de côte. Oui. Côte levée, principalement, mais aussi des côtes de ski. Oui, mais d'habitude, c'est les ailes de poulet, là, mais là, je peux faire exception avec les côtes levées. C'est ça, exactement. Et toi, mettons, le prix normal pour faire du ski comme ça, là, ce que l'offre de ces fous donne ce soir, là, ça coûte combien en général? Ah, écoute, je te dirais que c'est très avantageux de prendre l'offre de ces fous. Okay. Écoute, je sais pas par cœur. En gros, d'après moi, c'est pour une soirée, ça doit être au moins 25$ là, plus les taxes. Okay. Et puis, j'ai pas pensé, Mathieu, de dire que on pouvait louer du matériel, donc ski, snow, l'équipement complet pour 12$ taxes incluses. Wow! Donc, même si t'es novice, tu peux venir t'essayer. C'est un deal, c'est une affaire, c'est une bonne opportunité pour vous. Oui, j'ai essayé de m'en sortir avec les prix de soirée que j'ai aucune idée. C'est bien correct, je t'en veux pas pantoute. Mais Jean-Philippe, tout à l'heure, je dirais qu'on va avoir un petit segment en instant classique. Mm-hmm. Tu vas vouloir écouter ça, toi, hein? Ben oui, tout à fait. C'est les meilleurs moments de ce qui se passe le matin. Ben, mais ça, t'es un homme occupé et t'as pas le temps d'écouter les 8 heures d'assemblage requis. Donc, à la place, t'écoutes un dessin classique qui fait ça en dedans de 10 minutes. Oui, c'est très bien. On fait le travail pour moi, en fait. Génial. On va faire ça tantôt. Mais avant ça, je te suggère d'entendre les 8e places. Du côté anglophone, ce sera The Pretty Reckless et Sweet Things qui montent de une sur leur album Going to Hell. Et qui fait une petite baisse du côté francophone pour passer de la 4e à la 8e. C'est Kepler avec l'extrait Carnivore. Oui, on écoute ça tous ensemble dans les palmarès C'est Fou. Merci, Jean-Philippe. Ça fait plaisir, Mathieu. T'es fin. On écoute ça, Carnivore. Ça semble pas mal assez fou. J'avais pas placé ma toune. Ça paraît-tu à distance? Ça paraît pas, hein? Non, moi, écoute, je n'y vois que du feu. T'es supposé voir de la neige, puis du feu, ça fait fondre la neige. Pas bon, ça. Mais en fait, c'est une blague parce qu'il y a un feu devant moi, donc je n'y vois que du feu. Hey, ben, commence pas. J'ai dit tantôt qu'il n'y aurait pas de bombe sur toi. Dis-moi pas qu'il y a un pilote jordanien en train de brûler dans une cave. Dis-moi pas ça. Non, quand même pas. C'est un feu contrôlé. Merci. Est-ce que je rassure tout le monde? Oui, ça va. T'es bon. Mais il y a rien qui sort. Que c'est drôle, que c'est drôle, plus je m'enfonce, plus je ris aussi. 12 heures pour tenir les mains, carapace, à coups de main. spectacle. À Trois-Rivières, c'est le 89.1. We'll be right back.

Assemblage Rocky pour les semaines du 26 janvier et du 2 février 2015. Vous pouvez entendre Assemblage Rocky du lundi au jeudi entre 6h30 et 9h30 en direct à partir de 7h30 ici même sur les ondes de CIFOU 89.1 FM à Trois-Rivières. Pourquoi est-ce que je précise? Parce que Jean-Philippe Chabonneau est à Vallée du Parc, JP. Oui, monsieur, je suis encore là. Oui, en effet. Et les gens là-bas qui ont entendu les instants classiques, ils comprenaient rien de tout de ça. Mettons. Non, c'est ça. Mais là, ils comprennent. Exactement, parce que je leur ai expliqué. Assemblage Rocky, c'est l'émission du matin, ici même, assez fou. Vous pouvez retrouver les montages d'un instant classique sur assemblagerocky.com. Jean-Philippe, la raison pour laquelle tu es à Vallée du Parc ce soir, c'est pour l'événement Vivez C'est Fou à Vallée du Parc. Qu'est-ce que c'est, encore une fois, cet événement-là, JP? Oui, bien, d'abord, c'est pour ceux qui nous écoutent en direct, mercredi. Donc, on offre le billet à 18 $, taxes incluses. Ça comprend la remontée ainsi qu'une consommation au bar 360. Donc, c'est valide aujourd'hui, mercredi. On vous attend, on vous anime ça toute la soirée. On va avoir bien du fun. Oui, le remontant, c'est évidemment pour le ski et non pas pour le repas qui va être excellent, bien sûr, au 360. Hein? N'est-ce pas? Ça ne montre pas. Et à la suite d'une pinte, vous allez obtenir une assiette de tapas gratuite. Oui, puis mais il y a des heures spécifiques, c'est entre 20h et 21h30, donc soyez là. Génial. Et ce soir sur nos ondes, après Audiomatique, entre 18h et 19h, il y aura après ça à 19h l'émission Les Audacieuses avec Karina et Magali qui vont animer ça en direct de Vallée du Parc directement. Pas d'affaire d'un gars à Trois-Rivières. Écoute, tout va se passer ici. Ben oui. Donc, même concept pour Les Audacieuses, donc découverte musicale et puis après ça, on va pouvoir être un petit peu plus souple de 9h à la fermeture. Exactement, ça va être un petit peu n'importe quoi, mais dans le bon sens, hein? Oui, tout à fait. Ouais. Ben, Colin, c'est le fun de savoir ça. Vallée du Parc, ce soir, mercredi, le 11 février, avec Jean-Philippe Charbonneau et sa gang, ici même sur nos ondes, assez fou. Mais nous, pour l'instant, on va retourner à notre palmarès. On était rendu aux positions numéro 7. Et du côté anglophone, ce sera Brother Octopus avec Bigfoot qui descend de 5 positions. Et qui descend d'une place du côté francophone, c'est Stereozor avec la pièce Kaleidoscope. Et c'est dans les palmarès, c'est fou, au 89 FM. Last night, although no one believed. similar to Chewbacca. His only weakness is lava. I heard he ate Lady Gaga. Probably killed Osama. C'était Brother Octopus et Bigfoot en position numéro 7. Ça descend de la deuxième, donc moins 5 pour cette pièce sur l'album Sea of Champions. Et côté francophone, on avait Stereozor avec Kaleidoscope qui baisse d'une place. Mm-hmm. On va pouvoir entendre les positions numéro 6 tantôt, c'est-à-dire Summerland et Napalm Palm. Mais avant ça, c'est bon de retourner en arrière, Jean-Philippe. Et parlant de retour en arrière, on va en 2014, mais j'allais dire qu'aller par en arrière, Caroline, pas le fun ça, dans un remonte-pente, j'imagine? Non, mais il y en a qui sont bons pour le faire en ski, moi ça me dépasse. De dos? Pour vrai? Oui, de dos. Ben voyons donc. Comment sont les conditions? Là, je fais dodo. Drôle. Comment sont les conditions météorologiques en ce moment, JP, en ce mercredi 11 février, pour les gens qui écoutent en direct, parce que t'es à Vallée du Parc en ce moment, genre? La neige est blanche, tout se passe bien finalement. Wow! Hey, ça, c'est un bulletin frais, c'est une belle soirée pour ski. Oui. Météo média, j'aurais jamais non, mais fait pour de vrai, c'est... Ouais, là, on est un petit peu décalé, mais vraiment une belle soirée pour skier. Il faut venir en profiter. 18$, taxes incluses, pour ceux qui nous écoutent en direct. Et tu l'as dit en ronde, mais c'est 18 ans et plus. Ça s'adresse à un public averti, cette histoire-là? Oui, c'est vrai, je t'ai dit ça. Oui, tout à fait. Donc, il n'est pas trop tard pour se procurer des billets. Vous vous présentez directement à la Vallée du Parc et vous dites que vous êtes là pour la promotion Vallée du Parc. C'est fou. Est-ce que tu as précisé que c'est pour les étudiants seulement, le rabais? Non, j'ai pas précisé, mais en fait, c'est 18 ans et plus. OK, je pensais que c'était étudiant seulement. OK. En fait, l'étudiant était plus pour le transport en autobus. Ah, d'accord. Ben, c'est pas grave. On accepte les gens. En fait, vous avez qu'à poser les questions, dans le fond, à la billetterie et on vous répondra. Génial. Avant de passer à nos positions numéro... En fait, je pense qu'on n'entendra pas les positions numéro 6. À la place, on va se faire le petit bloc C'était fou. Ça t'entend-tu? Oui, allons-y. Oui, 2014. On recule en 2014. C'est pas bien loin, là, vous me direz, mais on les fait dans l'ordre. On les fait en ordre chronologique. Et là, on est rendu à 2014. C'est l'année passée. Donc, retournons en arrière. Voici C'était fou. Et cette fois-ci, on recule à la semaine du 10 février 2014. Plongeons. Fumbled in what I came

c'était le bloc C'était fou pour la semaine du 10 au 16 février 2014, donc à peine il y a un an. Mettons que ça vaut pas vraiment la peine d'y retourner, mais quand même. On a entendu David et les Bois avec Scaffandre en début de bloc sur l'album David et les Bois. Ensuite, Haim et l'excellent The Wire sur l'album Days Are Gone. On vient de terminer avec Ballader et A Life Like This sur l'album Ballader EP. Je crois que Jean-Philippe Charbonneau est toujours avec nous en direct de Vallée-du-Parc. Mathieu, je suis là. T'es bien là, JP, qui est en direct pour l'événement Vivez C'est Fou à Vallée-du-Parc, n'est-ce pas? Oui, je vais prendre ça pour un oui. En direct, mercredi, le 11 février. On a des petits plantages de connexion Internet, ça peut arriver une fois de temps en temps. Mais c'est pas grave, Jean-Philippe qui est là en direct. On va lui parler tout le long de l'émission, il nous reste encore 45 minutes environ. Donc, du côté de la 5e place en anglophone, c'est Bon Sebastian avec Nobody's Empire qui descend de 2 places. Mais on débute avec Marie-Pierre Arthur, voici Rien d'affaires qui monte de 1 au 89 FM. C'est les palmarès, c'est fou. Thank you.

En fait, c'est la soirée C'est fou à la Vallée du Parc. Donc, pour 18$, on vous offre le billet de remontée ainsi qu'une consommation bar 360. Oh. Donc, puis on est là pour vous animer toute la soirée. Génial. Les Audacieuses, dans 1h40 environ, vont être là en direct entre 19h et 21h et passé 21h même. Oui, une petite programmation plus funky. Oui, entre les deux audiomatiques. Dans les normes. Exactement. Donc, des découvertes musicales à faire ce soir, c'est certain. Tout plein d'offres promotionnelles encore disponibles pour les gens qui se présentent là. Si mettons les gens partent suite, est-ce qu'ils ont encore le temps de profiter de cette offre-là? Ben oui, tout à fait. Donc, j'imagine que tu penses à la fameuse promotion « Achète une pinte et recevoir et reçois en fait une assiette de tapas ». Donc, c'est à 8h jusqu'à 21h30. Ça, je la trouve toujours vraiment drôle. À chaque fois que je l'entends dans la publicité, je me dis à chaque fois que c'est donc drôle cette mention-là d'une assiette de tapas. C'est comme s'ils donnaient tapas dans une assiette tapas de ski. C'est drôle. Puis parlant de publicité, Mathieu, t'as trouvé drôle quand t'as passe? Oui. T'as trouvé drôle quand t'as passe? Oui. Elle est excellente. Un gag à distance, JP, c'est oui, jamais un, oui, un gag n'entend pas l'autre non plus. Exactement. Donc, on va te parler pour le reste de l'émission. Il nous reste encore une quarantaine de minutes ensemble. D'ailleurs, tantôt après le prochain bloc, ça va être notre section Ailleurs dans les palmarès. Donc, Jean-Philippe, on va devoir chanter la chanson thème à distance. Oh, wow, ça va être très beau. Je vais peut-être enlever le retour dans mes écouteurs. Pour essayer de chanter comme ça. Oui, c'est ça. Puis si ma mémoire est bonne, je te présente les nouvelles entrées. Hein. Oui, exactement. Les nouvelles entrées tout à l'heure, tout à fait. Et de toute façon, dis-toi que la chanson thème, d'ailleurs, dans le palmarès, ne peut pas être pire que quand on la fait live. Que quand est normal, oui, ça tout va tout à fait. Être meilleur, ça va rajouter un petit quelque chose. C'est comme des tapas, tu sais. Oui. Si tu rajoutes des épices, c'est encore meilleur, tu sais, des tapas, hein. Oui, contrairement à notre chanson thème. Exactement. Donc, on est rendu au prochain numéro 4 du côté anglophone. Ce sera The Mar Wills qui monte. C'était une nouvelle entrée la dernière fois en 16e place. Maintenant, c'est en 4e, donc un bond de 12 places. Et nous, côté francophone, en fait, c'est notre ancien numéro 1. C'est Le Couleur avec Concerto Rock qui descend de 3 places. Mais un méchant gros succès, ça. Ça va faire fureur à Vallée du Parc, ça. Oui, mais ça. C'est des palmarès, c'est fou. Il fait frais dehors, hein. Les gens reviennent avec des couleurs. Oh, wow. Merci. De rien. for dinner, around for the late show. I lean in, you turn away. I love you, baby, won't you give me some play? Numéro 4, Don't Go Home, ça monte de 12 places en anglophone. Et côté francophone, c'était Le Couleur avec Concerto Rock, c'était notre ancien numéro 1. Et voilà, nos auditeurs qui se demandent, mais qu'est-ce que c'est d'entendre Mathieu Plante deux fois en même temps, une fois puis après ça en écho? Ben c'est parce que Jean-Philippe Bonneau est en direct de Vallée du Parc. Oui, c'est ça. Désolé Mathieu, oui, on est en train de faire baisser le son un petit peu. Non, on dirait que voilà. Le délai est de plus en plus prononcé, plus l'émission avance, c'est ça qui est le fun, t'sais. Oui. C'est comme les tapas, ça, concept, ça, hein? le, ça devient de meilleur en meilleur plus t'en manges. C'est comme l'appétit vient t'en manger, les tapas. Si on exactement. Je peux lâcher les tapas si tu veux, mais ça a l'air bon sur la Vallée du Parc, les tapas ce soir. Je te prendrai une photo, Mathieu, je vais te l'envoyer sur les Facebook. Merci. Ouais, je ferai plus ce son-là jamais. Donc, avant de passer aux prochaines positions, c'est-à-dire les troisièmes, Fontarabie et The Seasons, JP, c'est le moment de chanter ensemble. Ah oui, ok, c'est ce moment-là. T'as hâte, hein? C'est, non, c'est avec délai voulu et volontaire. Ailleurs dans les palmarès. Ailleurs dans les palmarès. Ailleurs dans les palmarès. Ailleurs dans les palmarès. Oh là là. Ailleurs dans les palmarès. Non? T'essayes pas. Non, c'est terrible, j'entends le résultat, moi. Eh, moi, c'est bien. Je te dirais que moi aussi j'entends le résultat et je trouvais ça bien drôle pareil. C'est ailleurs oui, dans les palmarès, c'est la section de l'émission où on parle de ce qui se passe ailleurs dans les palmarès parce que les palmarès c'est fou, c'est plus qu'un top 20 francophone et un top 20 anglophone, n'est-ce pas Jean-Philippe Charbonneau? En effet, c'est également un top 30 des albums, un top 3 des disques canadiens, dis-je bien, d'un top 10 loud et d'un top 5 musique du monde. Exactement, je crois que c'est toi qui s'occupe des nouvelles entrées, n'est-ce pas? Oui, allons-y tout de suite avec le top 30 des albums. On a deux nouvelles entrées en 20e position. C'est White Horse avec Leave No Bridge Unturned. Et puis, position numéro 19, c'est History of Singles, Cario. Du côté du top 3, c'est en 3e place The Seasons avec Pulp qui monte de 17 places. Ça fait 9 semaines que c'est là. Ensuite, en 2e place, c'est l'ancien numéro 1 Viet Cong avec leur album Viet Cong. Et en 1ère place, ça monte de 12, c'est OK Go avec Hungry Ghost. Dans le top 3 des disques canadiens, il n'y a pas de nouvelles entrées. Donc en 3e place, c'est The Marwheels avec Facts and Figures qui monte de la 16e position. En 2e, ça monte de 18, 9e semaine de présence pour The Seasons avec Pulp. Et en 1ère place, c'est stable, Viet Cong avec Viet Cong. Et maintenant, nouvelle entrée. Top 10 loud, on a numéro 6, c'est Black Crowd Initiate. Et puis c'est dans l'album We Wickage of Star. En troisième place, ça monte de 2, Lord Dying avec l'album Poison Altars. En deuxième, c'est l'ancien numéro 1, At the Gates avec At War with Reality. En première place, ça monte de 9, deuxième semaine, donc c'est une nouvelle entrée semaine passée, pour Venom et l'album From the Very Depths. Côté top 5 du monde, Mathieu, on a deux nouvelles entrées. Et puis là, je vais faire un vrai fou de moi parce que le numéro 5 est vraiment pas évident. C'est vrai. Donc, on y va comme suit. C'est de The Apple Orchard. Oui. Sagwanbang. Est-ce que je suis correct? Ouais, Sagmosavank, genre. Ouais, c'est pas meilleur que ça. Non, écoute, c'est vraiment pas évident. L'album, c'est Mokrot. Oui, exact. Il y a une autre nouvelle entrée en troisième aussi. Oui, excuse-moi. Donc, troisième place déjà. Donc, c'est le garçon jardinier de X. Ouais. En deuxième place, ça monte de 1, Le vent souffle plus fort par Basile Séni, qu'on a reçu en entrevue récemment. C'est fou, l'entrevue est sur le SoundCloud en visitant cif.ca. C'est David Ferron de Palmarès du Monde qui l'a fait. Et en première place, c'est Stable, l'artiste Susanna et Vartam Jotod sur l'album Banat Vagabond Songs. Mais moi, Jean-Philippe, pour accompagner la chronique ailleurs dans les palmarès, je t'ai préparé une pièce du palmarès Loud. Et ça vient de l'album. Ouais, de l'album qui est en nouvelle entrée en 6e place. Donc l'artiste s'appelle Black Crown Initiate. L'album est The Wreckage of Stars, comme tu l'as dit tantôt, et on écoute l'extrait Withering Waves ailleurs dans les palmarès. Découvrons ça. Ensemble, en direct de Vallée du Parc, au 89 FM, c'est fou. C'était Black Crown Initiate avec la pièce Withering Wave sur l'album The Wreckage of Stars, nouvelle entrée en 6e place du top 10 Loud dans la section ailleurs dans les palmarès. Jean-Philippe Charbonneau, toujours en direct de Vallée du Parc. Toujours là. Oui, toujours là. Et on va présenter un prochain bloc qui va être composé de 4 pièces parce qu'on doit avancer. On a pris du retard un peu. Oui, ben il n'y a pas de problème. Ouais. Écoute, on va se faire un petit segment musical là, avec plaisir. Exactement. Plus tard dans le bloc, il y aura Galaxy, Vietcong et The Seasons. Maison débute en position numéro 3 francophone. Oui, on va commencer avec Fontarabie, avec Vent Blanc. On écoute c'est ça, puis... C'est stable en troisième position. Exact, et on rappelle aux gens de se présenter. Il y avait du parc, là. Partez maintenant, puis dépêchez-vous. Pas de niaisage. Oui, écoutez, il est encore temps. C'est 18$, taxes incluses pour un billet de remontée ce soir, mercredi. Et puis, ça comprend une boisson au bar le 360. Génial! Fontarabie, tout de suite au palmarès, c'est fou. Je m'attendais à un petit gag de tapas, là. De ta part, genre de ta part, de ta part. Non, de ta... Oui, oh, ben, c'est ça. Tu me l'as volé. Ah, ben, c'est pas de ma faute. Non, tu l'as fait en premier. Je l'ai juste expliqué. Oui, en fait, on l'a fait en même temps. Il y avait le délai. Ah, c'est ça. C'est le satellite. C'est pour ça. Voilà. I need the sun, I need the sun. I need the sun, I need the sun. 2. Vietcong avec Silhouette, c'est l'ancien numéro 1 anglophone. Et avant ça, du côté francophone, JP, qu'est-ce que c'était? C'était Galaxy Stable à deuxième place avec Robolinx. Exactement. On a vraiment pas de temps pour se parler, JP. On a juste pour l'instant à entendre le numéro 1 anglophone, puis on se quittera avec le francophone tantôt. Donc présente-nous l'anglophone pour une fois, juste pour être original. T'sais. Ben, aucun problème. Donc, qui passe de la 13e à la première place, on va écouter OK Go avec Obsession. Et on vient pour se dire bye et rappeler Vallée du Parc dans quelques instants. Parfait. A look so quick, a movement so slight, you could almost imagine it didn't just happen. But everything will change in just one look, one little glance. It's not passing fascination now, it's obsession. It's obsession. It's obsession. It's obsession. Go et Obsession en numéro 1 anglophone. Tout à fait, Mathieu. Et précédé du... en fait, ça va être suivi tantôt du numéro 1 en francophone. C'est Jean Leloup et les Flamants Roses. Jean-Philippe, toujours en direct de Vallée-du-Parc? Oui, toujours là, je suis présent. Dernière invitation, s'il te plaît, aux auditeurs du mercredi. Oui, donc ceux qui nous écoutent en direct mercredi, comme tu l'as dit, Mathieu, on est en direct de Vallée-du-Parc. C'est 18$, taxes incluses. Ça comprend une remontée pour la soirée, ainsi qu'une consommation bar de 3,60. Donc, on vous attend, on vous anime ça toute la soirée. Et puis, venez nous voir. Oui, justement, à 19h, les Audacieuses vont être en direct de Vallée-du-Parc. Donc, soyez-y pour les Audacieuses. Alors, entre les deux, ça va être Audiomatique à 18h, à l'émission de musique électronique. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, mercredi, à 15h. Merci, Jean-Philippe. Merci, Mathieu. Et on se quitte avec Jean Leloup et les Flamants Roses. À la semaine prochaine. Bye-bye. Sur le chemin de terre, ils avaient aligné les corps et les vautours faisaient des cercles autour. Dans la cour de l'école, on bastonnait les dissidents pendant que regardaient en rang les étudiants. Dans les maisons pleuraient les pères et mères, les camions verts transportaient les militaires. Les flamants roses volent dans le ciel encore, et rien n'arrête l'arrivée de l'aurore. Flamants roses volent dans le ciel encore, et rien n'arrête l'arrivée de l'aurore. Malgré les morts gisant dans la poussière,